Tristesse est empreinte. Ayez courage, nous ferons ce que nous pourrons pour vous aider. Bannissez toute crainte, les enfants d'Ismaël sont frères de ceux d'Israël. Nous avons vu le jour au Liban, en Syrie. Votre vie, oui, quel est votre état? Moi, je suis charpentier. Eh bien, c'est mon métier, vous êtes mon compère. Ensemble, nous travaillerons, bien des deniers nous gagnerons, laissez faire. Jésus grandira, puis bientôt il vous aidera, et la sagesse ira. soirée et réjouir nos hôtes, employant la science sacrée, le pouvoir des doux sons. Prenez vos instruments, mes enfants, toute paix.